Adonai, me voici devant toi. Je t'offre mon cœur pour que tu sois mon maître, mon Seigneur, mon roi, mon sauveur. A jamais fait de mon cœur ta demeure. Adonai, me voici devant toi. Je t'offre mon cœur pour que tu sois mon maître, mon Seigneur, mon roi, mon sauveur. A jamais fait de mon cœur ta demeure. Tu es toute ma vie, tu es toute mon envie. Ne faire que tes désirs, c'est mon plaisir. Qu'a jamais fait de mon cœur ta demeure. A jamais fait de mon cœur ta demeure. Et qu'a jamais fait de mon cœur ta demeure. A jamais fait de mon cœur ta demeure. Je veux demeurer près de toi, marcher sur tes pas comme la première fois. Si je tombe, tu me relèves. Si je pleure, tu me consoles. A jamais fait de mon cœur ta demeure. Je veux demeurer près de toi, marcher sur tes pas comme la première fois. Si je tombe, tu me relèves. Si je pleure, tu me consoles. A jamais fait de mon cœur ta demeure. Tu es toute ma vie, ne faire que tes désirs. Qu'a jamais fait de mon cœur ta demeure. Oh oui, qu'a jamais fait de mon cœur ta demeure. Je voudrais dans ta maison éternelle. Je voudrais, oh, dans ta maison éternelle. Désir. Oh, et que jamais fait de mon cœur